Souviens-toi au bar ce soir-là. Je t'ai offert une rose ce soir-là. Est-ce le hasard ou le destin? Tu l'as attaché dans tes cheveux. Est-ce que tu peux m'embrasser? Oui, je veux. Est-ce le hasard ou le destin? Tu m'as lu Donald à la chenille bleue. Tu avais 15 ans et moi 22. Est-ce le hasard ou le destin? Ne m'aimes-tu pas quand je souris? Sais-tu que j'habite au sol-ci? Est-ce le hasard ou le destin?